suffocation. In some stupid little town, a black killer. Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans la Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Et oui, salut la tribu, c'est Spike, c'est la Vampire Freaks et c'est la 138e. Je voulais vous remercier pour tous vos gentils messages que vous m'avez laissés suite à l'émission de la semaine dernière. Merci aux nouveaux groupes qui m'ont contacté de cette semaine, et enfin du moins la semaine dernière, et qui auront leur son la semaine prochaine. Merci à vous, chers auditeurs, d'être là chaque semaine et de suivre mes pérégrinations. On commencera tout de suite avec Rising from Ruins, le nouveau Judas Priest, c'est sur l'album Firepower, leur 18e album sorti le 9 mars 2018. On retrouve Evil Never Dies, Children of the Sun et Sea of Red. On écoutera ensuite La Meute de Lophophora, c'est sur l'album Lophophora, leur premier album sorti en mars 1995. On retrouve Holiday in France, No Facho et Justice pour tous. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Rats, le nouveau Ghost, c'est sur l'album Prequel, leur quatrième album sorti le 1er juin 2018. On retrouve Face, Dance Macabre et Witch Image. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Nulle Part, le nouveau Daisy Driver, c'est aussi le titre de leur premier album sorti le 8 septembre 2017. On retrouve Downing, Le Cri du Monde et Johnny Rodeo, ils sont chez Chebra Records. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. Et on finira sur ce bloc en live avec Ain't That Not Love, Ain't That The Loving You de Alton Ellis. C'est sur Mr. Soul of Jamaica, sorti en 1974. En fait, c'est 12 titres enregistrés entre 1967 et 1970. On retrouve Breaking Up, I Can't Stop Now et Baby I Love You du son qui... Bring the lights up from the Nature morte. Courir au-dessus de la télé pour l'éternité. Oh, ne porter les émotions portées. Pourtant l'aventure commence au coin de la rue. Pas besoin d'aller loin pour se faire bouffer au cru. En sortant votre chien désormais fait bien attention. Que les bons liens n'aient pas entrepris la révolution. Si la jeunesse en colère porte un regard sévère sur les hommes de leurs aînés, c'est qu'il ne peut les satisfaire. Toujours en perdant de grands assoupissements que provoque l'opinion publique et le gouvernement. Tant qu'il y aura des barrages à faire sauter, on trouvera dans les barrages des bruits en pleine santé. Tant qu'il y aura j'avais sauté, on tombe dans les parages, t'es pour rien. l'aller-retour. Tous les matins du dévoile, comme le souffle du temps qui nous dévore tout autour. J'ai mis 100 ans à vivre et 1000 ans à pleurer. Gagner la sonnerie à ta voix pour rêver. Dans le sang de nos amis, nous a décoché. Embrasser ton cri, s'envoler un baiser. Le temps nous anime, le temps nous apprend. Les sens sont un film dans le bleu de ton océan. Là où commence notre histoire, nous avons de nulle part. Aux abords de nulle part. Aux abords de nulle part. Aux abords de nulle part. L'émission radio où Spike débarque dans votre salon. This one is for you, and it says. Hey. It says. You think I love you for just one thing. Keep a smile upon your face. It's because I love you. for more reasons than one. Now don't you know I love you from the depth of my heart. I love you, darling. Thank you very much. Nice. Thanks a lot. Very nice. Love you. Ah, qu'est-ce que j'aime ça, les vieux live en reggae. Vous êtes toujours dans la 138e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Rising from Ruins de Judas Priest. On a eu ensuite L'Émeute de Lofofora. On a eu ensuite Rats de Nouveau Ghost. On a eu ensuite Nulle part de Daisy Driver. Et on a fini ce bloc en live avec Ain't That Loving You de Alton Ellis. On continuera cette émission avec J'ai vu ce qui est écrit. C'est de Long Chris, c'est sur l'album Chansons Bizarres volume 3, sorti le 4 avril 2018. On retrouve Parti Trop Loin, Tu n'es pas elle et En Cavale. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On continuera avec un bon son vinyle. We'll Meet You Again de Pantera. C'est sur l'album Power Metal, leur 4e album sorti en mai 1988. On retrouve Rock the World, Over and Out et Deathstripe. C'est le 2e album avec Phil Anselmo au chant, un classique de chez classique. On écoutera ensuite In and Out, le nouveau Malt Liquor, c'est même une exclusivité. C'est extrait d'un EP à paraître, des nouvelles très vite, on les retrouve sur Facebook et YouTube. On écoutera ensuite Leave the Kids Alone, le nouveau Booze and Glory, c'est sur l'album Chapter 4, sorti en 2017, c'est de la punkoï britannique. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. Et on finira ce bloc en live et en trash, et avec Phobia de Creator. C'est sur l'album Outcast, leur 8e album sorti le 22 juillet 1997. On retrouve Forever, Nonconformist et Alive Again, un classique du trash. Un matin d'étonnement, découvrant un corps charnière crépitant d'étincelles, des contrées infernales tremblantes de fièvres inconnues offrant les chairs brûlées. J'ai vu ce qui est écrit, j'ai vu ce qui est écrit, j'ai vu ce qui est écrit. Oh, des fumées rassemblées, cerclées d'absolus corrosifs et d'angoisse sans mitraille. Un ciel sans lune, sans soleil, religion d'un genre disparu, être du désespoir. J'ai vu ce qui est écrit, j'ai vu ce qui est écrit, j'ai vu ce qui est écrit. Et d'un fossé de folie, piégé des pieux de la raison, en palant des cerveaux, une princesse aux yeux calmes, cultivant son regard, répulsant son amour. J'ai vu ce qui est écrit, j'ai vu ce qui est écrit, j'ai vu ce qui est écrit. La terre est ronde, elle tourne, balançant le corps du pendu au phallus érigé. Avec tes yeux d'agonie, découvrant ton manteau de plaie, ton absence dans le lointain. J'ai vu ce qui est écrit, la brise, j'ai vu ce qui est écrit, j'ai vu ce qui est écrit. We'll be right back. searching for the answer every man must find before eternity beckons. I will make you mine. Now my nights are longer and my breath is weaker. You're telling me to go. the same night. You used to breathe through my lungs. Now my nights are longer and my breath is weaker. You're telling me to go home. Here we go again, holding out of nothing. The neighbor's curtains are closing. I said, here we go again, holding out of nothing. The neighbor's curtains are closing. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Vous êtes toujours dans la 138e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter J'ai vu ce qui est écrit, le nouveau Long Chris, We'll Meet Again en vinyle de Pantera. On a ensuite In and Out, la nouveauté et même l'exclusivité de Matt Licor. On a ensuite Leave the Kids Alone, le nouveau Booze and Glory. Et on a fini ce bloc en live avec Phobia de Creator. On continuera cette émission avec Karim et Nono, le nouveau Soul King. C'est sur la bande originale du film Les Dégains. On retrouve aussi dans cette BO Caris, Anas et l'Algerino. J'ai pas encore vu le film, mais je pense à le voir sérieusement. On aura ensuite Né pour un petit pain, le nouveau Force Majeure. C'est sur la première démo cassette Force Majeure, sortie le 6 mars 2018. Ils sont sur LSC Records au Québec. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On aura ensuite un petit vinyle de nouveau, My Girl de Madness. C'est sur l'album One Step Beyond, sorti en 1979. On retrouve Nightbot to Kero, Razorblade Alley et Madness du pur ska culte. Et on aura ensuite Dope Runner de Golden Earring, c'est sur l'album Tits and Ass, sorti le 11 mai 2012. On retrouve Time Bomb, What Do You Know About Love et Flowers in the Mud. Et on finira ce bloc en live avec Radio Gaga de Queen. C'est sur l'album News of the World, leur sixième album sorti le 28 octobre 1977. On retrouve We Will Rock You, Fight From the Inside et Who Needs. D'ailleurs, il est considéré comme le dernier album de la période classique de Queen. Et cette bande originale, enfin ce morceau, on le retrouve sur la bande originale de Bohemian Rhapsody, qui est un film à voir. chier. Et on ose appeler ça la liberté. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Scared inside. Vous êtes toujours dans la 138e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Karim et Nono, le nouveau Soul King, Né pour un petit pain, le nouveau Force Majeure. On a eu My Girl, ça craque, ça croustille, c'est du vinyle et c'est Madness. On a eu ensuite Dope Runner de Golden Earring et on a fini ce bloc en live avec Radio Gaga de Queen. On continuera cette émission avec Banania Spliff. Le nouveau 80s Back, c'est sur un EP 4 titres parodique qui s'appelle Brigade Anti-80s, qui est sorti en 2017. On retrouve Banania Spliff, Locataire Particulier, Sève Lève-toi et le Démon de Neuilly. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. On aura ensuite We Are, nouveauté et l'exclusivité de Purge of Sanity. C'est sur l'album We Are, c'est le deuxième single. L'album We Are, il sort au printemps. En des nouvelles très vite, on les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube. D'ailleurs, le clip We Are est visible sur YouTube et bientôt toutes les plateformes numériques. On continuera ensuite avec My Desire de Johnny Clark. C'est sur l'album Enter Into This Gate With Praise, sorti en 1975. On retrouve No One Skill Escape de Judgment, Move Up Rastaman et True Believer in Love, encore du son culte. On aura ensuite Misanthrope, le nouveau Atala Némé, c'est sur l'album Anthropophagie, sorti le 18 mai 2018. On retrouve À l'envers de ma raison, Le silence et l'oubli et Avoir 40 ans. Il a fait pas mal de concerts cet été et cet automne, et il se repose un peu et il repart en tournée au printemps. On le retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. Et on finira ce bloc en live avec Little Girl Blue de Janis Joplin, c'est sur l'album I Got Them All Cosmic Blues Again Mama, sorti le 11 septembre 1969. On retrouve Try Just a Little Bit Under, One Good Man et Cosmic Blues, du bon son culte. Ah, je vous gâte cette semaine en culte. C'est pas ma faute à moi si je te préfère. Avec tout pour les choses, rien ne peut plaire. Même l'Amérique aurait peut rien y faire. C'est le dessert que sert l'abominable homme d'affaires. À la Torah petite obèse, un amour de dessert. Le dessert que sert l'abominable homme d'affaires. À la Torah petite obèse, un amour de dessert. Bananania, bananania, banania spleen. Bananania, bananania, banania spleen. Matin, midi et soir, j'en bois des tonnes. Banania. Et maintenant, je ressemble à une bonbonne. Banania. Si t'es pas sur ma table, il y a mal donne. C'est le dessert que sert l'abominable homme d'affaires. À la Torah petite obèse, un amour de dessert. Le dessert que sert l'abominable homme d'affaires. À la Torah petite obèse, un amour de dessert. Banania, banania, banania spleen. Banania, banania. Ma balance s'affole à cause de toi. Banania. Et mon cholestérol, ils sont de joie. Banania. Oui mais depuis l'école, je n'aime que toi. Banania, banania, banania, banania. C'est le dessert que sert l'abominable homme d'affaires. À la Torah petite obèse, un amour de dessert. Le dessert que sert l'abominable homme d'affaires. À la Torah petite obèse, un amour de dessert. Banania, banania, banania spleen. Banania, banania, banania spleen.

Qu'est-ce que ça fait du bien, un peu de douceur dans ce monde de brut. Vous êtes toujours dans la 138e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Banana Split, Cliff, le nouveau 80s Back. We Are ensuite de nouveau et l'exclusivité de Purge of Sanity. Merci à Philippe Mercier de m'avoir fait passer le son de Purge of Sanity. On a eu ensuite My Desire de Johnny Clark. On a eu ensuite Misanthropie, le nouveau Atala Neme, et on a fini ce bloc en live avec Little Girl Blue de Janis Joplin. On continuera cette émission avec une nouveauté, le Lou de King Kong Blues. C'est sur l'album Make Rock and Roll Great Again, sorti le 14 décembre 2017. On retrouve ma sœur Vlad Lampaleur et Je suis athée. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes. On écoutera ensuite Steal Away de Ozzy Osbourne, c'est sur l'album Blizzard of Oz, sorti le 14 septembre 1980. On retrouve I Don't Know, Suicide Solution et Mr. Crowley, un classique de chez classique. On aura ensuite Bordel de Alistair, c'est sur l'album Aucun Mal ne vous sera fait, sorti en 2007. On retrouve Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Quelque chose dans mon verre et Désordre. On aura ensuite La Tartiflette des Trois Fromages, c'est sur l'album Épuisette, sorti le 1er mars 2009. On retrouve La Tartiflette, Que j'aime tes fesses et La Cousine. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. Eux, ils font plein de guests avec tout le monde, c'est impressionnant. Et on finira ce bloc en live avec The Dragon's Lies Bleeding de Hammerfall, c'est sur l'album Glory to the Brave, sorti le 27 juin 1997. On retrouve The Metal Age, Hammerfall et Steel Meets Steel. Yeah. c'est que ce bordel? Et qui c'est ce type avec ta mère? Ouais, c'est chacun pour sa gueule. Toi tu reposes le bretleur. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce pays de branleurs? Qu'est-ce que c'est que cette fille dans ton lit? Est-ce qu'au moins elle dit l'heure? Et est-ce que la Chine lui fait peur? Liechtenstein, Amazonie et Groenland et Sibérie. Liechtenstein, Amazonie et Groenland et Sibérie. Liechtenstein, Amazonie et Groenland et Sibérie. Et moi je bosse, et moi je bosse. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Monte, monte, monte, monte à l'arrière. Antisocial, tu perds tes cheveux. N'entends-tu pas la foule qui gronde? T'as un truc dans les dents. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On n'avait dit pas la religion. On n'avait dit pas la politique. On n'avait dit pas la famille. On n'avait dit pas les fringues. Liechtenstein, Amazonie et Groenland et Sibérie. Liechtenstein, Amazonie et Groenland et Sibérie. Liechtenstein, Amazonie et Groenland et Sibérie. Et moi je bosse, et moi je bosse. La chemise et foutez-moi toutes ces valises en Suisse et demain je rase gratis des perruquets, des flashballs pour tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que je vous ai parlé de la Chine? Est-ce que je vous ai parlé de la Chine? Est-ce que je vous ai parlé de la Chine? Est-ce que je vous ai parlé de la Chine? Vampire Flix, à l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Ah, the dragon lies. On vient d'écouter Le Loup, le nouveau King Kong Blues, Steal Away de Ozzy Osbourne, on a eu ensuite Bordel de Alistair, on a eu ensuite la tartiflette des trois fromages, et on a fini ce bloc en live avec The Dragon's Lies Bleeding de Hammerfall. Cette 138e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin, je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. On peut retrouver aussi sur la page archive.org. On finira cette émission avec Les Gitans de Vladimir Kosma. C'est sur la bande originale du film Albert et Méchant. Ah ouais, je sais, cette semaine j'avais envie de bande originale, ça arrive des fois. C'est sorti le 14 janvier 2004 et c'est le dernier film de Michel Serrault et on le retrouve sur toutes les plateformes. À la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite mais aussi sur archive.org. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à tous et toutes, la tribu!